Le plus laid des chevaliers par Georges Fatte. Le X de l'an de grâce 1338, l'histoire n'a pas conservé la date du jour où ce tournoi fut donné, il n'y avait pas de route, pas de chemin, pas de sentier conduisant à Rennes, en Bretagne, qui ne fût couvert d'une foule de voyageurs impatients de se rendre au tournoi qui devait se donner le jour même dans cette ville. Gentilshommes et nobles dames, écuyers, pages, hommes d'armes, palefreniers, écoliers, bourgeois et manants, les uns à cheval, les autres en charrette, les derniers à pied, tous se dirigeaient vers le même point et devisaient de la même chose, à savoir les brillants exercices qui allaient avoir lieu et les beaux coups de lance qui devaient s'échanger entre les seigneurs du duché de Bretagne et Isseux de Normandie. Chacun s'en réjouissait à l'avance, chacun pressait le pas. Il y avait surtout un pauvre diable de jeune seigneur qui se démenait comme un exorcisé pour doubler la vitesse du misérable roussin qui lui servait de monture. Nous avons dit pauvre diable, à cause de son piètre équipage. Armure complétée à grand-peine par des pièces dépareillées, fabriquées les unes en Espagne, les autres en Angleterre et les dernières en France, lesquelles n'avaient évidemment d'autre raison de se trouver réunies que des convenances de taille et la pénurie de leur maître. Nous avons dit jeune seigneur à cause du petit écu qu'il portait à l'arçon de sa selle. Donc ce jeune seigneur prenait une peine inutile en jouant des éperons. Le malheureux bidet n'en allait pas plus vite, et paraissait résigné à subir les traitements les plus durs plutôt que de changer l'allure qui lui était habituelle. La cause de l'impatience ou de la mauvaise humeur de son maître était facile à deviner, car les regards de tous les passants s'attachaient invariablement sur lui et ne s'en détournaient que lorsqu'il leur devenait impossible de ne point lui éclater de rire au visage. « Oh, la drôle de bête et le laid cavalier !» disaient tout bas les uns en s'éloignant. « Les deux compagnons se valent !» répondaient les autres. « Ils seront crevés avant d'arriver à Rennes. Le chevalier de colère et l'animal de chagrin d'être si malmené. » Et si mal monté, ajoutait-on, ça fait que la même oraison funèbre servira pour les deux. Puis ceux qui suivaient regardaient de la même manière le pauvre jeune homme, et ils échangeaient à peu de choses près les mêmes observations, mais toujours tout bas, car le regard du maître du roussin avait une expression si dure et si résolue à la fois que personne n'osait s'aventurer à le railler en face. Les enfants seuls faisaient exception. Ils lui jetaient de temps en temps leur crime au cœur, et s'enfuyaient à toutes jambes, bien qu'il n'eût pas l'air d'y prendre garde. En ce moment, à quelques centaines de pas derrière ce malencontreux cavalier, galopait ventre à terre un autre jeune seigneur, dont le costume et les armes étincelaient au soleil. Chacun s'écartait sur son passage, moitié par respect et par admiration, moitié dans la crainte d'être écrasé. Sa course était si rapide que les sabots de son cheval soulevaient à chaque pas un flot de poussière et de cailloux. Ce brillant cavalier, plein du fol orgueil de la jeunesse, poursuivait depuis longtemps déjà sa marche quasi triomphale, quand un faux pas de son cheval le désarçonna tout net, l'envoyant mesurer la terre juste au pied de l'humble roussin dont nous avons parlé, lequel profita de l'incident pour s'arrêter court et reprendre doucement haleine. Un cri, où perçait plus de raillerie que de pitié, fut immédiatement poussé par 20 personnes qui s'élancèrent auprès de celui qui venait de changer si brusquement de position. Le maître du roussin descendit alors lestement de cheval, écarta la foule avec l'irrésistible argument d'un poignet de fer, enleva de ses deux mains robustes le malheureux cavalier, dont pas un muscle ne bougeait, et le porta au pied d'un arbre sur le bord de la route. Là, il enleva son casque, lui déboucla son armure et lui souffla au visage avec la dextérité d'un homme expert en ces sortes de choses. « Oh là, messire, ouvrez un peu les yeux !» lui dit-il. Après cette injonction plusieurs fois répétée, le cavalier commença par remuer un bras, puis l'autre, puis tout le corps, et ouvrit enfin les yeux, où l'étonnement fit bientôt place à la confusion. « Votre cheval a chopé faute d'être assez soutenu. Cela peut arriver au meilleur cavalier. » lui dit simplement le maître du roussin. « Vous voulez me consoler de ma mésaventure, messire, je vous en remercie. Par malheur, je n'apporterai pas moi la peine de ma négligence. Êtes-vous blessé ? Je suis tombé sur mon casque, ce qui m'a d'abord étourdi. Quant au reste, il me semble que je me suis passablement foulé le bras droit. Vous souffrez beaucoup ? Assez, messire, pour être certain qu'il me faudra renoncer à prendre une part active au tournoi qui se prépare. C'est un désagrément que vous n'éprouverez pas tout seul, répondit le maître du Roussin, avec un accent où perçait d'amers regrets. Puis il ajouta, « S'il vous plaît que je vous remette en selle, vous pourrez toujours y assister comme moi, en simple spectateur. » Ma foi, c'est avec plaisir que je vous aurai cette nouvelle obligation, répondit le blessé, tout en jetant malgré lui un regard étonné sur le pauvre équipage du gentilhomme qui venait de lui rendre service. Alors ne tardons pas, car je serais désolé pour mon compte de perdre un coup de lance. En selle donc, reprit le blessé, essayant de rajuster lui-même les pièces de son armure. Ne fatiguez pas inutilement votre bras, je vais vous servir d'écuyer. Voici. Levez-vous maintenant. Bien. Regagnez votre cheval, et ne vous occupez pas du reste. Le jeune seigneur ne se fut pas, en effet, plutôt rendu à cette invitation, que le maître du Roussin l'enleva de terre comme il fait d'un enfant, et le plaça droit sur son cheval, au grand ébahissement des gens qui s'étaient attroupés autour d'eux. « Pardieu, messire, dit le blessé, vous avez le bras solide ?» Le maître du Roussin ne répondit pas à ces paroles, qui pouvaient alors passer pour une exquise flatterie. Il se contenta d'enfourcher en soupirant le maigre animal qui lui avait déjà causé tant d'humiliation dévorée en silence. Il ne fallait pas plus qu'une rencontre de cette nature pour lier deux hommes, dont le premier n'avait pas encore 20 ans, et le second pas encore 16. Aussi voyagèrent-ils côte à côte jusqu'à la ville de Rennes, lieu de leur mutuelle destination. Toutes les dames et les demoiselles de la ville étaient aux fenêtres, autant pour se faire admirer de la foule qui emplissait les rues, que pour voir les chevaliers qui se rendaient au tournoi, la plupart couverts de pierreries, et escortés de leurs écuyers portant devant eux leurs pennons et leurs bannières. Si les railleries qui naissaient d'elles-mêmes à la vue du Roussin et de son maître avaient été contenues sur la route par la crainte de s'attirer une méchante affaire, elles éclatèrent dans la ville où les femmes pouvaient sans danger exprimer tout haut leurs opinions sur les chevaliers dont elles étaient ce jour-là les juges naturels. « Voyez le beau champion, disait-elle en le regardant. Il a plus l'air d'un bouvier que d'un gentilhomme. Il a sans doute emprunté le cheval d'un meunier pour faire une course de cette importance. » Et mille propos semblables. Son compagnon était au contraire l'objet d'un concert d'éloges. On ne pouvait le voir sans s'écrier « Le beau jeune homme !»« Qu'il a bonne grâce à cheval, à la bonne heure. Il y aurait plaisir à couronner celui-là. Je parie qu'il est brave comme Roland et galant comme un lait d'amour. » Le maître du Roussin, par malheur, avait l'ouïe fine. Il ne pouvait donc s'empêcher en lui-même de maudire, et la nature qu'il avait rendue si déplaisant aux dames, et la dureté de son père, qui le laissait aller dans un si misérable équipage. Son compagnon n'était pas sans entendre les propos débités à leur adresse, et il voulut y soustraire celui dont il était l'obligé. « Messire, lui dit-il, les rôles ne sont pas encore arrivés, et bien que la place soit pleine de monde, il ne se fera rien avant 1 heure. Si vous voulez bien y consentir, nous irons d'ici là. Tâtez d'un vieux vin d'Orléans qu'on me tient en réserve dans cette taverne. Volontiers, répondit le maître du Roussin, car il se sentait de plus en plus mal à l'aise sous les regards de la foule. Les deux cavaliers entrèrent aussitôt dans la taverne après avoir remis leur monture aux mains des palefreniers de la maison. Il y a force chevaliers normands, dit le gentilhomme blessé tout en versant à boire de la main gauche, et j'ai vraiment regret de ne pouvoir fournir quelques coups de lance en leur compagnie, pour soutenir avec eux l'honneur de la province. Au diable soient les accidents. J'avais fait choix d'un si bon cheval et de si bonnes armes. » Le maître du Roussin garda le silence, mais il était visiblement en proie à une lutte et à une angoisse intérieure. « Buvez donc, messire, lui répéta son compagnon, cela vous déridera le visage et m'encouragera par suite à vous demander une grâce. N'ayez, je vous prie, nul souci de mon visage, qui est laid et désagréable, je le sais, et dites-moi sans retard ce que je puis faire pour vous obliger. » D'abord, je n'ai pas, croyez-moi, cette méchante opinion de votre visage, répliqua le jeune seigneur en riant. Franchement, cela m'étonne, répliqua le maître du Roussin en riant à son tour. car il ne s'est guère passé de jour depuis que je suis au monde, sans que mon père et ma mère elle-même ne m'aient reproché ma laideur et ma difformité. Vous voulez vous divertir à mes dépens, messire ? Par Dieu, non, et ce sujet n'est point à ma gloire. Mais je fus à peine né, que mes parents se repentirent de leur ouvrage et me brutalisèrent comme un monstre qui leur faisait honte. Ils allèrent plus tard jusqu'à me défendre de prendre, au-dessus de mes frères, la place qui m'appartenait comme leur aîné. Une fois, j'ai dû à une pauvre bohémienne d'être plus doucement traitée pendant quelque temps. Et elle avait prédit, après avoir examiné attentivement mon visage et mes mains, que je serais plus tard un grand homme de guerre. Bonne vieille, c'est le seul être humain qui ait jamais pensé ou dit un peu de bien de moi. Je dois ajouter que la trêve qu'elle me procura par ses prédictions ne fut pas longue, et que je redevins bientôt un objet d'aversion et de mépris pour ma famille. Ses sentiments pour moi ne sont pas encore changés. La vieille ferraille que je porte en guise d'armure et le pauvre roussin que je monte en sont une preuve. Mais assez sur ce sujet, reprit-il d'un air mélancolique, et permettez que je vous demande quel est le service que vous désirez de moi. J'ai beaucoup d'orgueil, messire, et je ne m'expliquerai là-dessus qu'après avoir reçu votre parole de ne point me refuser. Je vous la donne de grand cœur. Eh bien, c'est de ne pas rester simple spectateur dans le tournoi d'aujourd'hui. C'est, comme nous sommes de même taille, d'y combattre à ma place, avec mon cheval et mes armes, pour donner un commencement d'autorité aux prédictions de la bohémienne. Le maître du Roussin resta d'abord immobile de surprise. Puis ses yeux étincelèrent. Enfin il se leva comme une trombe, tendit ses mains énormes à son compagnon, en lui disant avec un attendrissement qu'il ne pouvait dissimuler « Cher messire, vous venez de vous faire un ami, qui n'a pas l'habitude d'être ingrat. Et qui n'aura pas mal placé son affection, je vous le jure. Vite maintenant, équipez-vous. Les juges du camp commencent à prendre place. » Le maître du Roussin fut transformé en un instant, et s'était émerveillé de voir combien sa mâle tournure s'harmonisait avec sa nouvelle cuirasse et ses armes. On eût dit qu'il s'incorporait au fer, et que le métal s'assoupissait au moindre de ses mouvements. « Me voici prêt, » dit-il. « Cependant, je ne puis me défendre d'un scrupule. »« Lequel ?»« C'est qu'il pourrait, malgré mes efforts pour l'empêcher, arriver malheur à votre cheval ainsi qu'à vos armes, et que je ne saurais dans ce cas où prendre l'argent nécessaire pour les remplacer. » « Il n'importe, messire, et agissez de manière que je n'ai, si cela arrive, rien de plus à regretter. »« Merci, cent fois merci. »« Allez, moi je reste à cette fenêtre pour vous voir triompher. Si vous le jugez à propos, vous viendrez me joindre quand tout sera terminé. Partez et au revoir. » La lice où le tournoi devait avoir lieu était entourée de plusieurs amphithéâtres richement décorés, assez semblables aux tribunes qu'on voit aujourd'hui sur la limite de nos hippodromes. Ils étaient, non pas exclusivement, mais pour la plus grande partie occupés par des dames, dont la première prétention était de surpasser leurs voisines en parure et en beauté, et la seconde, de plaire au vainqueur à qui elles devaient décerner le prix. Déjà, elles avaient distribué aux tenants présents dans la lice ce qu'on nommait à leur faveur, joyaux, noblesse ou enseignes, et qui consistait en un ornement détaché de leur parure ou un ouvrage tissé de leurs mains. Les tenants et les assaillants, partagés en quadrilles et rangés en ordre de bataille, attendaient le signal de la lutte. On sonne la charge. Aussitôt les quadrilles se mêlent, les armures retentissent, les lances rompent, les chevaux bondissent en hennissant, les épées s'entrechoquent. On se dispute le terrain, on se défie, on s'encourage. On se sépare pour s'assaillir de nouveau, et avec une vigueur toujours croissante. Puis les chevaux s'abattent en entraînant leurs cavaliers au milieu des cris et des applaudissements de la foule. Ceux qui sont restés debout se rallient pour recommencer le combat, mais la carrière encombrée ne leur permet guère de se mouvoir à l'aise. Ce n'est bientôt plus qu'à force d'adresse et d'agilité qu'on réussit à accomplir les évolutions imposées par la lutte. L'acharnement redouble en même temps que le péril. Les spectateurs, ou plutôt les spectatrices, sont si nombreuses, si belles, si brillantes, que pas un chevalier ne veut subir à leurs yeux la honte d'une défaite. Toutefois, le nombre des combattants s'amoindrit de minute en minute. Les uns sont démontés, les autres n'ont plus que des tronçons de lance et d'épée, ou tombent, haletants, épuisés d'efforts inutiles. Cessez, cessez le combat » s'écrie-t-on de toutes parts. À ces mots, les combattants se séparent et demeurent immobiles. On débarrasse rapidement la carrière des blessés et des morts, car les accidents ont été nombreux, malgré les armes courtoises et innocentes, c'est-à-dire sans tranchant ni pointe, imposées aux combattants. Mais cela n'occupe personne, ou du moins, est seulement l'affaire de ceux qui sont directement intéressés. Les vainqueurs valides sont restés au nombre de 5, et les dames, leurs souverains juges, ont décidé qu'ils se disputeraient le prix en combat singulier et que le prix appartiendrait au dernier des 5. On sonne donc une seconde fois la charge. Un des 5 tend immédiatement les mains à l'un de ses adversaires, qui lui répond par le même signe. Tous deux ont pris du champ. Tous deux ont lancé leurs chevaux avec une égale impétuosité. Cependant, le premier a pointé sa lance avec tant de force et d'adresse qu'il atteint son adversaire à la tête, le désarçonne et fait voler son casque à 10 pas. Les 3 autres lui succèdent et subissent le même sort, aux applaudissements frénétiques de l'assemblée. Le triomphe du vainqueur, cependant, n'est pas encore complet. 2 chevaliers restés jusqu'ici spectateurs du combat viennent d'entrer dans la lice pour venger les vaincus. Un silence rempli d'admiration accueille l'audacieux défi qu'il jette au vainqueur de la journée. Puis quelques voix crient « Assez, assez !» Aussitôt le vainqueur du tournoi, s'adressant à la foule, déclare qu'il est prêt à rompre de nouvelles lances en l'honneur des dames. Un tonnerre d'applaudissements accueille cette réponse. Le premier qui s'est présenté s'avance alors pour adresser quelques paroles courtoises à celui qui vient de relever si fièrement son défi. Mais tout à coup, ce dernier jette sa lance à terre pour témoigner respectueusement qu'il refuse le combat. Un murmure désapprobateur circule bientôt dans la foule qui s'étonne de cette action incompréhensible. Néanmoins, celui qui l'a commise persiste dans son refus. Le second chevalier, demeuré seul, vient à son tour répéter le défi. Celui-là n'obtient pas la même grâce. « Prenez du champ !» répond cette fois le vainqueur. Puis, joignant l'action à la parole, il lance son cheval et revient fondre sur son adversaire avec une telle furie qu'il renverse du même coup cheval et cavalier. Le nuage de poussière qui enveloppait les combattants ne tarde pas à se dissiper, et au milieu des applaudissements universels, de nombreux cris s'élèvent pour demander au vainqueur de se faire connaître. Chose singulière, celui qui excitait un pareil enthousiasme semblait vouloir rester inconnu. Il avait déjà plusieurs fois porté la main à son armure de tête, mais son hésitation était toujours plus grande. Enfin, pressé par de nouvelles instances, il vint s'incliner humblement devant les dames, après s'être brusquement découvert le visage. Or, le vainqueur, c'était le maître du Roussin. Le pauvre diable ne s'était pas trompé, en pressentant le fâcheux effet que son visage produirait sur ses juges, car il ne put réprimer un mouvement de surprise en apercevant une laideur si complète. « Je vois bien, leur dit-il en souriant, qu'il me faut perdre l'espoir de me faire aimer des dames, et que je dois borner mon ambition à me faire craindre des ennemis de la France. » Alors une scène, qui n'était point dans le programme de la fête, vint ajouter à l'effet de ses paroles et mettre le comble à l'enthousiasme que le maître du Roussin venait d'exciter par sa bravoure et sa modestie. Le chevalier qu'il avait refusé de combattre s'était élancé vers lui et le pressait dans ses bras. « Vous m'aimez donc, mon père ?» s'écria le vainqueur attendri. « Oui, mon fils. J'étais injuste envers toi, mais je ne veux plus l'être. Afin que tu puisses brusquer fortune dans la guerre, comme il convient à un noble chevalier. » La mère et la tante du vainqueur assistaient elles aussi au tournoi. Et comme elles ne manquaient pas de torrent vers lui, elles s'empressèrent de faire amende honorable en le comblant de baisers et de félicitations. L'enfant méprisé venait d'être absous par le succès. Le maître du Roussin avait la mémoire du cœur. Aussi l'enivrement du triomphe ne lui fit pas oublier qu'il le devait à la généreuse insistance du jeune seigneur qui l'attendait à la taverne. Il quitta donc tout pour l'aller remercier et lui rendre le cheval et les armes dont il venait de faire un si brillant usage. Celui-ci n'avait point bougé de la place qu'il occupait à l'une des fenêtres de la taverne. Il ne la quitta que pour venir au-devant de son compagnon de voyage. Les deux jeunes gens s'embrassèrent comme si leur amitié eût 20 ans de date. J'ai tout vu, lui dit le blessé, et sur ma foi. Vous êtes un rude donneur de coups de lance. Les Normands ont été vaincus, mais je suis breton par ma mère et je vous pardonne leur défaite de grand cœur. Les Normands ont tenu les derniers contre moi, répondit le maître du Roussin, et j'espère que vous augmenterez leur nombre le jour où ils prendront leur revanche. En attendant, j'ai le bonheur de vous rendre intact votre cheval et vos armes. Cher messire, un vainqueur n'a pas à rendre ses armes. Gardez-les, je vous en prie, en souvenir de notre pacte d'amitié. Un si riche présent, fit le maître du Roussin avec hésitation. Vous m'en ferez un tout pareil dans le temps que vous voudrez. Jusque-là, je trouverai à souhait des chevaux et des lances dans le château de mon père. Dès lors, j'accepte votre don, bien qu'il soit digne d'un prince, parce qu'il me vient de mon premier ami, dont je ne veux pas plus longtemps ignorer le nom. On m'appelle Robert de Brissé, répondit le jeune seigneur. C'est un noble nom. Le vôtre, qui m'est encore inconnu, ne l'est pas moins. J'en ai maintenant l'assurance. Le mien est Bertrand du Guesclin. Ainsi s'achève Le plus laid des chevaliers par Georges Fatte.